Wir sprechen heute erstmal über eine Warnung, die Christus für uns hat. On va d'abord parler à propos des avertissements que l'Éternel a. Il veut nous avertir en fait. Amen. Amen. Seid willkommen in Jesus Namen. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. First of all, go into this warning for us. Amen. Es geht erstmal um die Warnung. D'abord, le premier message, il s'agit de l'avertissement que l'Éternel a pour nous. Amen. Amen. Lord wants us to beware of the gospel of another Jesus. Der Herr will, dass wir uns in Acht nehmen vor einem Evangelium, vor dem Evangelium von einem anderen Jesus. L'Éternel veut qu'on puisse être faire attention vraiment d'un évangile qui n'est pas du vrai Jésus-Christ, un autre Jésus-Christ. Amen. Amen. Another gospel. Ein anderes Evangelium. That we listen to. Dem wir zuhören. Un autre évangile qu'on a en train d'écouter, d'entendre. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. We have to beware of any other messages. Listen to. Wir müssen uns in Acht nehmen vor irgendwelchen anderen Botschaften. Of this ministry. Außerhalb der Botschaft dieser Gemeinde hier. On doit faire attention des messages qu'on est en train d'entendre, d'écouter au dehors de cette église ici, de notre message ici. Like Jesus said in John 4. Wie Jesus in Johannes 4 gesagt hat. Johannes 4. Comme, tout comme Jésus-Christ a dit à Jean 4. Partez à Jean 4. John 4. Johannes 4, 22. Jean 4, 22. It says, you worship, you know not what. Amen. We know what we worship. For salvation is of us. We know what salvation is. Wir wissen, was Errettung ist. Donc nous, on connaît qu'est-ce qu'est le salut. We know what the true message is. Wir wissen, was die wahrhaftige Botschaft on ist. On connaît le vrai message. We know what the truth is. Wir kennen die Wahrheit. On connaît la vérité. Amen. Amen. You worship, you know not what. Ihr betet we an, know was what kennt. We worship. Wir That's beten an, was wir kennen. Das ist das, was Jesus Christus hier sagt. Mm-hmm. Donc, verset 22, l'Éternel nous dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple. We know what we have here. Wir wissen, was wir hier haben. On sait ce qu'on a ici, ce qu'on a de posséder ici. We know the message here is of Christ. Wir wissen, dass die Botschaft hier Hello. Von Christus ist allein. On connaît que le message ici, c'est le message du Christ seulement. Amen. Praise the Lord. Alléluia. We know the root of the message here. Wir kennen die Wurzel der Botschaft. On connaît la racine de notre message, c'est le Christ. We know everything here is Christ. C'est Christus, denn alles hier ist Christus. Tout est Christ, parce que nous, on sait, c'est notre message, c'est le Christ, parce que tout en nous, c'est Christ. Ça, c'est Amen. Christ. Amen. You know, Paul warned them against another Jesus. Paulus hat sie auch gewarnt vor einem anderen Jesus. Galater 1. On va lire Galates 1. Là, on va voir que Paul les a avertis de notre Christ. Praise the Lord. Jésus. Another Christ. Amen. Christus. Un autre Christ. Praise the Lord. Alleluia. He said from verse 6 to 9, please. I marvel that you Galates 1, 6 à 9. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Anders ist das Evangelium, was du hier gehört hast. Donc il dit ici que vous devez faire attention d'un autre évangile que vous écoutez ici. Amen. He said, which is not another, but there be some that trouble you and will pervert the gospel of Christ. But though we are an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let he be accursed. Praise the Lord. Halleluja. I can say that in this ministry. Das kann ich auch über diese Gemeinde hier sagen. Donc il dit que si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et la même chose, je veux dire ici dans cette église. Beware of another gospel. Sind euch nach vor einem anderen Evangelium. Fait attention à notre évangile. We have enough gospel, enough message here. Wir haben genug Botschaften hier in dieser Gemeinde. On a vraiment des messages suffisants dans notre église. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 10 says, as we said before, so say I now again. If any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. Let's go to 2 Corinthians, please. 2 Korinther. 2 Corinthians. 11. 2 Korinther 11. 2 Corinthians 11. Praise the Lord. Amen. We read from 1 to 4. 1 bis 4. De Corinthiens 11, 1 à 4. Are we there, please? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. 1 to 4. 1 bis 4. Ah, Gott. Would to God you could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me, for I am zealous over you. Are we there, please? Mm-hmm. Yeah. Over you with godly jealousy. Sorry, I am jealous over you with godly jealousy. Jealous. That's what is called God kind of jealous. Göttlichem Eifer. It's different from evil jealousy. Es ist anders als eine teuflische Eifersucht. Amen. Mm-hmm. Donc, on a, il a dit, car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. Donc, il y a, je vous ai en effet fiancé à un seul époux que vous me présentez à Christ. Donc, il a sa propre aussi, il y a aussi une jalousie, jalousie divine. Il dit, for I have exposed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. One husband, just Christ, your husband. Do you see there? Mm-hmm. I've exposed you to one husband. Praise the Lord. Mm-hmm. You're either married to Christ or you're married to Satan. Du bist entweder verheiratet mit Christus oder mit dem Satan. Il dit, verset 2, je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie qui vient de Dieu. Et on doit faire attention parce que où tu es marié avec le Christ, où tu es marié avec le diable. Verse 3 says, but I fear lest any man by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, praise the Lord. Amen. If they preach another Jesus, just remember he said, talk about another Christ, another gospel. And here he's talking about another Jesus. Mm. Amen. Wir haben gelesen, wie es um einen anderen Christus geht, um ein anderes Evangelium. Und hier geht es um einen anderen Jesus. Mm. Ici, nous, on venait de lire qu'il s'agissait peut-être d'un autre évangile, mais ici, il s'agit d'un autre Christ. Praise the Lord. Parce que l'attachement fidèle est pour au Christ. For if he that cometh preach and preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if you receive another spirit, which you have not received, or another gospel, which you have not accepted, ye might well bear with him. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The Lord wants us to beware of all these spirits, the spirit of another Jesus, the spirit of another gospel, vor dem Geist von einem anderen Jesus, von einem anderen Evangelium, von einem anderen Geist. Donc il dit ici que l'Éternel veut qu'on puisse faire attention dans notre esprit, un esprit qui n'est pas du Christ, parce qu'il dit, verset 4, vous supportez fort bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui que vous avez annoncé. Vous êtes également prêt à accepter un esprit d'un message différent. Beware of the spirit of fornication. Nehmt euch in Acht vor dem Unzuchtsgeist. Faisiez attention de l'esprit de la fornication. Both spiritual fornication and physical fornication. Geistliche Unzucht und physische Unzucht. Denn beide haben Geister. Pas seulement la fornication physique, mais aussi spirituelle, parce que tous les deux ont aussi des esprits derrière eux. Amen. Amen. I saw it coming into this ministry through the message we listened to. Ich habe gesehen, wie es in die Gemeinde gekommen ist durch die Botschaft, die einige von uns sich angehört haben. Je l'ai vu l'Éternel me l'a montré venir aussi dans cette église ici à travers les messages d'autres pasteurs que vous écoutez dans oui. Amen. Amen. Beware of the spirit of compromise. Nehmt euch in Acht vor dem Geist der Kompromisse. Faisiez attention de l'esprit de la des compromis. Compromise is fornication. Kompromisse einzugehen ist auch Unzucht. Parce que quand vous faites des compromis, vous commettez aussi de la fornication. Praise the Lord. Hallelujah. Beware of the spirit of desire and of the spirit of evil motive. Und bösartigen Motiven. Faisiez attention des esprits de désir ou des motifs mauvais. No, King Saul, you remember King Saul. Erinnert euch an König Saul. Rappelez-vous du roi Saül. His motive was evil, though his motive was somehow good. Sein Motiv war bösartig, aber auch irgendwie gut. Ses motifs étaient vraiment mauvais, mais ce qu'il faisait, c'était bien. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Those the Lord said he should destroy, he saved them and said he was going to use them for sacrifice for the Lord. Logic. Makes sense. Der Herr ihm ganz klar befohlen hat zu zerstören, hat er nicht zerstört, weil er eigentlich damit Gott etwas Gutes tun wollte. Es hat irgendwo Sinn gemacht, aber dennoch war es ungehorsam. Donc l'Éternel lui avait dit clairement de détruire un peuple, mais lui, il n'a pas fait ça jusqu'à la fin et il a voulu faire un sacrifice pour l'Éternel et c'est pour cela qu'il a épargné quelque chose. Et ça, c'est un compromis. Amen. He saved those the Lord said he should destroy. Er hat das aufbewahrt, was der Herr ganz klar befohlen hat zu zerstören. Donc il a commencé à sauver ce que l'Éternel lui a dit clairement de détruire. Amen. He said he was going to use them to make sacrifice for the Lord himself. Amen. How it makes sense. I bet it's not of Christ. The motive is good. Etwas Sinn macht. According to religious system. Aber nicht von Christus ist. Es macht menschlichen religiös Sinn, aber es ist nicht von Christus. Donc tu vois que il a commencé, il a désobéi à l'Éternel parce que il a pensé que ça a plus de sens, mais le sens de ce monde, c'est pas le sens de Jésus-Christ. Pour lui, quand tu désobéis, c'est grave en fait. Amen. Amen. It's like I'm going to bring them to Christ. When Christ is saying, don't even go there at all. Es ist so wie als ob man zu Christus sagt, ich werde die Leute zu Christus bringen, aber Christus sagt, geh da gar nicht hin. C'est tout comme, c'est comme si tu disais, oui, je veux partir chez ces gens-là pour les emporter vers le Christ, pendant que le Christ a dit de ne pas partir là-bas. Let's go to James 4, please. James 4. Jacobus 4. Jacques 2, 4, pardon. Praise the Lord. Mm-hmm. James 4, verse 1 to 5. 1 bis 4, bis 5. From whence come wars and fighting among you? Come they not hence, even of your lust, that war in your members? Amen. If there is fighting, it's definitely coming from the flesh. Wenn es Streit gibt, dann kommt es vom Fleisch, nicht vom Christus. Donc, quand il y a des problèmes, quand il y a des problèmes entre les enfants de Dieu, ça vient clairement de notre chair, de la partie du diable, et pas du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Is there being on the? Yeah. Tell him to read James 4, verse 2. Abraham, can you read James 4, verse 2? Please always open it. Always go to where we go to. And follow it up. James 4, verse 2. Can you hear me? Yeah. Yeah, James 4, verse 2. Ye lost and have not. Ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You lost and war not, and have not, sorry. You kill and desire to have, and cannot obtain. You fight and war, yet you have not, because you ask not. You, verse 3, you ask and you receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. Praise the Lord. Amen. Though you are asking, it's not about the Lord, but about you. Es geht nicht den Herrn, sondern dich. Donc malgré vous êtes en train de demander, mais il ne s'agit pas de l'Éternel, il s'agit de toi. Amen. Amen. You desire, but it's not what the Lord desires for you, but it's what you desire for you. Ihr wünscht euch Dinge, aber diese Dinge sind nicht für die Dinge, die der Herr für euch sich wünscht, sondern Dinge, die ihr euch für euer eigenes Fleisch wünscht. Vous avez des vœux, mais ce que vous êtes en train de vouloir avoir, il ne s'agit pas de ce que l'Éternel veut avoir pour toi, mais il s'agit de ce que toi-même tu veux avoir pour toi. Amen. Amen. And you ask, you receive not because you're asking is to consume it on yourself. It's all about you. Ihr bittet und bekommt nicht, weil ihr mit böser Absicht bittet, um es selbst für eure eigene Lust zu vergeuden. Donc tu demandes et tu veux avoir des histoires, pas pour, oui, pour l'avoir comme ça, mais pour le consommer toi-même. In verse 1, it says, you adulterer and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Praise the Lord. Yeah. Because you adultery, and adulteresses. Mm. Adultery. By sleeping with, going after other things, going after other men. Mm. Amen. A husband and wife. And one is going outside. Amen. Mm. Because you are married to him. Mm. Nennt uns Ehebrecher und Ehebrecherinnen, weil wir married to Christ. Mit Christus verheiratet sind, aber außerhalb unserer Ehe Unzucht treiben. Mm. Il nous appelle peuple adultère. Pourquoi? Parce que on est marié avec l'Éternel Jésus-Christ, mais on est en train d'ignorer notre engagement envers Dieu. On est en train de, oui, de chercher oui, l'être humain, un autre homme, en fait. Praise the Lord. Celui à un autre Dieu. Oui. It's a know you know that the friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of this world is the enemy of God. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it? Mm-hmm. And that world might be your mother. That world that he said you are a friend to and you are now enemy to Christ can be your father. It can be your brothers and sisters. Mm-hmm. It can be you, even you yourself. Mm-hmm. Il dit que ne savait pas que aimer le monde c'est haïr Dieu, et cette aimer le monde là, ça peut être aimer ta famille, ton travail, ton éducation, et même t'aimer toi-même. Praise the Lord. Then in verse 5, do you think that the scripture said in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? The spirit of Christ, it's full of jealousy. It's full of eifersucht. Donc il dit que l'esprit de Christ c'est vraiment plein de la jalousie. Amen. Parce qu'il dit que prenez oui voilà. Are you getting it? The spirit of Christ in you is full of jealousy. Der Geist von Christus in dir ist voll von Eifersucht. L'esprit de Dieu en toi est plein de jalousie, parce qu'il dit ici à verset 5, Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Beware of the message you listen to. Fais attention du message que tu es en train d'écouter. Romans 10, please. Romans 10. Romans 10. Amen. Amen. Stop listening to other messages. Hört auf, euch andere Botschaften zu hören. Stop it. Arrête. They plant seed into your heart. Weil sie pflanzen Samen in euer Herz. Arrête d'écouter autre message. Yeah, exactly. Arrête ça parce que ça est en train de planter un grain dans ton cœur. The mind sound good. Ja, das fühlt sich gut an. Oui, ça te semble bien. Amen. Just like what King Saul said, sound good. Genauso wie das, was Saul gesagt hat, was sich gut angehört hat. Tout comme ce que le roi Saül avait dit, que ça semblait aussi bien. Amen. God said, told him, destroy all. Everything. But everything. He didn't leave some. He said, I'm going to use it for sacrifice for you. It sound good. But it's against the Lord. Ça hört sich gut an, aber es ist gegen den Herrn. Malgré l'Éternel lui a dit de tout détruire, mais lui il a dit ben je autre chose je veux sauver pour faire un sacrifice. Oui, ça semble bien parce que il s'agit de faire à l'Éternel un sacrifice, mais c'était vraiment mauvais, il a vraiment désobéi l'Éternel. Amen. Amen. The spirit of religion is everywhere. Le geist von Religion ist überall. L'esprit de la religion est partout. You know, before this time, I don't believe it's not about me. It's not about denomination. It's about Christ Jesus. Amen. And I still believe it. Vor dieser Zeit habe ich schon gedacht, es geht nicht um irgendwelche Denominationen, sondern um Jesus Christus. Und auch heute glaube ich, es geht um Jesus Christus und nicht zu welcher Denomination du gehörst. Moi, j'ai toujours pensé que il s'agit pas de la dénomination, mais il s'agit de Jésus Christ. Et aujourd'hui, je le pense aussi comme ça. But which shiny denomination today is truly after Christ. Aber welche andere Denomination ist wirklich hinter Christus her? Außer diese Gemeinde. Mais quelle dénomination à part la nôtre est vraiment derrière est en train de choisir ou bien de chercher l'Éternel comme nous? Faisez-moi voir cette église ou bien cette dénomination. I know people don't like this, what we are saying. Ich weiß, dass Leute das nicht gefällt, dass wir sagen, dass wir die Einzigen sind. Je sais que les personnes n'aiment pas l'écouter quand on dit que nous sommes les seuls qui vraiment qui croient en Dieu, qui ont une relation vivante avec l'Éternel. I know pastors don't like it. Ich weiß, dass Pastoren das nicht gefällt. Je sais que ce que je dis sont un peu de offenser aussi des pasteurs. Even the people, they don't like it. Dass die Leute mögen das nicht. Même les gens n'aiment pas ça. But the Lord always reminds me of Noah. Mais l'Éternel me rappelle toujours de l'histoire de Noé. The Ark of Noah. Amen. Noah was the only one building the ark. Noah war der einzige, der an dieser Arche gebaut hat. Parce que Noé c'était la seule personne qui était en train de travailler construire cette arche. There was no other ark anywhere. There was none anywhere except this Noah. And if Noah come out and said, this is the only way you can be saved, nobody will like it. Und es gab keine andere Arche zu dieser Zeit. Niemand hat an einem anderen Boot sozusagen gebaut und hätte er gesagt, wie er gesagt hat, dass er die einzige Lösung ist in dieser ganzen Welt, würden Leute auch sich darüber kaputt lachen und sagen, es kann doch nicht sein, dass du der Einzige bist, der die Lösung hat. Donc, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui était en train de construire une arche et... Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui était en train de construire une arche de Noé. C'est ça, mon Éternel. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, I'm very sure it was not only Noah's ministry that was on earth then. Und damals war es nicht nur die Gemeinde von Noah da. Es gab natürlich andere Gemeinden auf der Erde zu der Zeit. Et je suis sûr que c'était pas seulement Noé qui était en train de croire en Dieu. Il y avait aussi autre église. He preached for years upon years upon years. Er hat jahrelang gepredigt und gepredigt. Il a prêché des années et des années. And said to them, come into this ark. Here you come, only be safe. In diese Arche, nur hier habt ihr Sicherheit, nur hier seid ihr sicher. People would make fun of it. Leute würden sich darüber lustig machen. Et il a dit que, mais venez ici dans notre arc, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont en train de... Oui, mais il y avait beaucoup de personnes qui se moquaient de lui. It's only your ministry that is where people can be saved. You are the only one that will make heaven. No other people will make heaven except you alone. Are you getting it? Praise the Lord. And at the end, it was only Noah. Amen. Only Noah's ministry that was able to make it. Und genau, und Leute würden sich darüber lustig machen oder das Kleine sagen, als ob auf der ganzen Welt nur du die Lösung hast, nur bei dir man sicher ist. Das kann nicht sein. Aber am Ende, als es angefangen hat zu regnen, war nur ein Ort sicher. Und das war das Boot von Noah. Donc en fait, il y avait beaucoup. C'est comme nous aujourd'hui, les gens se moquent de nous, disent que ben, vous êtes une petite église comme ça, vous disiez que vous êtes les seuls. C'est vraiment pitoyable que vous pensez que vous êtes les plus grands. Et c'est la même chose que de l'arc de Noé. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I don't know, we are not praying that we are the only one that make heaven alone. Amen. But we know what outside is. We know what churches are today. We know what is outside there. Et en fait, on sait, on prie. On ne prie pas, on n'espère pas que nous sommes les seuls. On prie que autres personnes soient aussi sauvées. Mais on sait aussi qu'est-ce qui est derrière, en dehors. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Romans 10 from verse 8. Romans 10 from verse 8. Romans 10 verse 8. Praise the Lord. He said, what said it? The word is nigh thee, even in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Amen. That if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus and shalt believe in your heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen. For with your mouth, let me see if I to go forward. Okay, good. Verse 10, please. 15. For with your heart man believeth unto righteousness, and with your mouth confession is made unto salvation. For the scripture said, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He shall not be ashamed. Yes. Whoever believes on Jesus. Wer immer an Jesus glaubt, wird sich nicht schämen. I love that. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For there is no difference between the Jews and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Verse 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Praise the Lord. Verse 15. Amen. And how shall they preach? Except they be sent, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good news, of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who have believed our report? So then, verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. Faith cometh by hearing. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Mais la foi, ça vient à travers ce que tu es en train d'entendre. Amen. Mm-hmm. So also our unbelief, doubt and fear, they all come by hearing. Unglauben, Zweifel und Angst, das kommt auch durch Hören. Tout comme la peur, l'incroyance et la doute, ça vient aussi de ce qu'on entend. So also is doubting of the truth. Das ist auch das Anzweifeln der Wahrheit, kommt auch durch Hören. Même quand on est en train de douter la vérité, c'est à travers ce que tu entends. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you have not heard something, you will not doubt the truth. Wenn du etwas noch nicht gehört hast. If you have not heard something that is opposite the truth, you will not doubt the truth. Wenn du noch nicht etwas gehört hast, somebody getting entgegen der Wahrheit ist, das Gegenteil von der Wahrheit ist, wirst du die Wahrheit nicht anzweifeln. Mm. Parce que si tu n'entends pas quelque chose qui est contre la vérité, tu ne vas pas douter la vérité, en fait. Amen. Mm. Praise the Lord. Mm. So also are evil spirits. Mm. Sind auch böse Geister. Et de la même chose avec les mauvais esprits. They are of different types. C'est verschieden. Il y a beaucoup de il y a des différents types de mauvais esprits. Amen. Amen. The spirit of doubt, the spirit of fear, and this one, all this, they are all spirits. Geist von Zweifel und Angst. Il y a beaucoup des esprits contre la peur, aussi contre l'incroyance et aussi contre les doutes. The spirit of compromise. The geist von Kompromiss. Et l'esprit des compromis, en fait. The spirit of the pity of this world. The geist der Mitleid dieser Welt befallen. L'esprit qui te fait tu donnes des pitiés de ce monde. They all come by hearing. Alles kommt durch Hören. Or by reading. Und durch Lesen. Et tout ça, ça vient à travers ce qu'on écoute et ce qu'on on lit. Amen. Amen. Once you are reading. You are hearing voice. Wenn du liest, dann hörst du eine Stimme. Quand tu es en train de lire, tu écoutes une voix. Once you are reading, something is speaking to you. Wenn du liest, dann spricht etwas zu dir. Mais quand tu es en train de lire, il y a quelque chose qui parle. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Let's go to 1 Corinthians 15, please. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Verse 33. 15:33. 1 Corinthians 15, verse 33. I said it in French. 15. 15. 15. 15, verse 33. 1 Corinthians 15, 30. Praise the Lord. Hallelujah. It's a being not deceived. Evil communication corrupts good manners. Amen. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang produziert gute Sitten. Donc attention, ne vous y trompez pas. Les mauvais compagnies corrompent des bonnes mœurs. Amen. Evil communication through hearing. Mm. You communicate through hearing also. Hearing through reading. You communicate. Donc les mauvaises compagnies sont le ruine d'une bonne conduite. Donc oui, ça te confond. It was through feelings, via the five senses, you communicate with them. À travers ce que tu es en train d'écouter, d'entendre, ou bien de tes sentiments. Amen. Stop listening to other messages that is outside here. Aufhören, Botschaften zu hören, die nicht von hier sind, die nicht von Christus sind. Donc on doit arrêter d'écouter des messages qui ne sont pas de lui. I know what I'm saying. Ich weiß, wovon ich rede. Et je sais de quoi je parle. You don't need them. Du brauchst sie nicht. On n'a pas besoin d'eux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, to know counterfeit, I don't need to just gather all counterfeits. Um Falschgeld zu erkennen, muss ich nicht alle Arten von Falschgeld studiert haben. Donc pour comment connaître la mauvaise monnaie, je ne dois pas commencer à étudier toutes les mauvaises monnaies du monde. You know what is counterfeit? Counterfeit is fake money. Ihr wisst, was Falschgeld ist. Fake money are everywhere. Mm. And there are many. Überall, I don't need them all. I don't need you to pack all of them together and study them before I know them. Und ich muss nicht alle zusammensammeln und mir die angucken, damit ich das immer wieder erkenne, was der falsche Schein ist. Donc je dois pas commencer à examiner toutes les mauvaises monnaies de ce monde pour connaître qui est-ce qui est la mauvaise monnaie. Amen. Amen. For those that we say we want to know them. We want to know them. We want to know them. All we should want to know is Christ. Amen. Für die Leute, die ständig mal wieder damit argumentieren, dass sie sich andere Sachen anschauen, um die Wahrheit noch besser zu verstehen und noch besser die Wahrheit zu wertschätzen und sonstiges. Die Wahrheit reicht, um die Lüge zu identifizieren. Donc, moi je le dis ça par rapport aux autres personnes qui veulent argumenter pour dire que oui, je veux connaître les autres histoires pour connaître la vérité, pour aussi les détruire. Mais non, connaître la vérité, ça suffit. Ça suffit pour détecter les fausses monnaies. Amen. Amen. All I need to do is to study the original money very well. Alles, was ich machen muss, das Original, Amen. Study it very well. Study Christ very well. When Satan comes, you can smell it. When lies come, you can know it. When it's coming out, that is outside him, because you already know him already. You already know Christ. It is rooted in you. Are you getting it? Don't need lies to go to lies. To prove anything. Donc, la seule chose que tu as besoin, tu dois faire, c'est de partir connaître la vraie monnaie, d'étudier seulement la vraie monnaie pour reconnaître la mauvaise monnaie. Et c'est comme ça aussi avec le Christ. Tu dois seulement savoir la vérité pour détecter les mensonges. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I know Satan. Very well, because I know Christ Jesus. Moi, je connais Jésus-Christ. Je connais le diable vraiment très bien parce que je connais Jésus-Christ très bien. Amen. Mm-hmm. I don't know need to go and study Satan. I have relationship with him. You know, you're reading, you're being dead. It's a relationship. Mm-hmm. I don't need to have relationship with Satan to know Satan. Yeah. I have relationship, full relationship with Christ Jesus. If I not really know Christ Jesus, I will know Satan. Christus Jesus wirklich because he is opposite. Werde ich den Satan erkennen, weil das Gegenteil ist davon. Donc je dois seulement connaître le seul vrai bon Dieu pour reconnaître le diable. Praise the Lord. Hallelujah. If you have problem or some question, come to us and ask. Komm zu uns und stell Fragen. Si tu as des problèmes avec concernant la vérité ou bien des histoires, viens chez nous et demande, pose-nous ces questions. Even our message here also. If you do not understand, it's as the Lord wants you to understand it. Amen. Mm-hmm. Because there are two types of understanding. Es gibt zwei Arten von Verstehen. Donc même nos messages ici, si tu ne le comprends pas, comme l'Éternel veut que tu puisses comprendre, demande, parce qu'il y a deux types de compréhension. Amen. Mm-hmm. That's what is called religious understanding. Es gibt ein religiöses Verstehen. Donc il y a une compréhension religieuse. Then the kingdom of heaven understanding. Und dann das Verstehen vom Königreich des Himmels. Et aussi il y a une compréhension du royaume des cieux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Here we are talking about understanding that the kingdom of heaven called proper understanding. Hier geht's um das Verständnis, was das Königreich des Himmels ein wahrhaftiges Verständnis. Donc ici, il s'agit d'une compréhension que le Seigneur Jésus-Christ, bien que le royaume des cieux, appelle aussi bonne compréhension. Amen. Because of the religious understanding, that's why we always want to know how you understand it. The message here. We always want to know because we know there are other understandings. It might be the same reading, it might be the same words, but there are under understanding outside there. And that's why we want to know how you understand it. So that we will know if this is all based on Christ. This is Christ understanding. Und es ist wichtig, dass, weil das Königreich eben auf Verständnis, auf Verstehen auch beruht, es ist wichtig, immer für uns nachzuhaken, wie verstehst du eine Sache, wie hast du das verstanden, damit der Teufel da nicht reinkommt und das Wenige, was du dann meinst, verstanden zu haben, dir auch noch wegnimmt. Vu que c'est l'Éternel, ou bien à travers le Saint-Esprit, qu'on comprend les histoires, c'est vraiment aussi important pour nous de comprendre, de te demander comment tu as compris le message pour que tu ne puisses pas penser que tu as compris et que cette compréhension soit de la chair ou bien du diable. Praise the Lord. Et puis, en effet, tu peux aussi perdre le peu que tu avais déjà compris. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if I'm saying proper understanding, I really mean our message here. Wenn ich sage richtiges Verstehen, you understand it properly. How the Lord wants you to understand. Verstehst du es wirklich so, wie der Herr das möchte? Et quand je parle d'une bonne compréhension, je te parle de notre message ici. Est-ce que tu le comprends comme l'Éternel veut que tu puisses le comprendre? An example, one of the last messages we preach here. Ein Beispiel einer der Botschaften, die wir vor kurzem hier verkündigt haben. Par exemple, un des messages qu'on a eu ici. Amen. Amen. We talked about Abraham lied. We talked about David fornication. Abraham gelogen. Are you getting it? Dass David Unzucht getrieben hat. On a dit que Abraham a menti. On a dit que David a fait commis une fornication. Amen. Amen. You know, so before I continue, what Papa also said today, you know, offense. Mm. Amen. To be offended. Mm. It's not about misunderstanding or get insulted. You are talking about that somebody is not accepting the other, then immediately it's cut off. Mm. Are you getting it? Mm. You know, there are ways the Lord wants us to understand things. Mm. What he said you should cut off is something that want to separate you from the truth, which is Christ Jesus, because it's not suitable for them. Yeah. Und auch wie wir auch heute darüber gesprochen haben, dass wir halt Dinge abschneiden sollen, abhacken sollen, wie es Matthäus 18 steht. Das geht nicht darum, dass sobald dir jemand irgendwie sagt, du hast was zwischen den Zehen, direkt cut off, weil ne, du hat die Person dafür gesorgt, dass du dich unwohl fühlst oder hat keine Ahnung, was eine Frage gestellt. Job that you don't like, you cut it off. Oder weil die Arbeit, die du machst, zu anstrengend ist, direkt cut off. Oder weil, keine Ahnung, jemand dich belehrt, direkt cut off. Na, dass wir halt nicht diesen cut off benutzen, um einfach uns selbst, genau, uns selbst sozusagen zu schützen oder um wegzulaufen oder unangenehme Situationen aus dem Weg zu laufen, sondern wir sollen alles wegschneiden, was gegen Christus ist in unserem Leben, was aktiv wirklich gegen Christus vom Satan wirklich geschaffen worden ist, um uns unsere Beziehung von Christus Jesus wegzunehmen. Das sollen wir abhacken, aber nicht irgendwas, was an unserem Fleisch kratzt. Et par exemple, un exemple d'une mauvaise compréhension, et c'est par exemple ce qu'on venait de lire à la Bible, quand l'Éternel nous dit que si tu as quelque chose qui t'empêche d'avoir ta relation avec l'Éternel, ou bien que tu donnes une offense, tu dois le couper en fait, et le jeter. Et quand l'Éternel dit ça, il ne s'agit pas d'un travail qui te semble difficile et puis tu le coupes. Ou bien un frère et une sœur te dit que oui, tu as quelque chose dans ou bien ta bouche pue, ou bien quelque chose, tu as quelque chose aux dents, et tu te dis, ben, si je n'ai pas aimé cette remarque, alors je vais aussi couper ma relation avec le frère ou bien la sœur. Non, il ne s'agit pas des histoires comme ça. Il s'agit de couper quelque chose qui est en train de de t'empêcher à entrer dans le royaume des cieux, ou bien à continuer avec ta relation avec le Christ. Praise the Lord. Amen. Parce qu'on avait dit au début, papa avait dit au début, une offense selon la définition du Christ est quelque chose qui t'écarte Jésus-Christ. C'est ça une offense, pas une offense selon la chair, quelqu'un qui t'embête ou quelque chose. Non, une offense c'est si quelque chose empêche ou t'écarte de Jésus-Christ. C'est ça les choses qu'on doit arracher. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Again, we talked about Abraham lied. Wir haben darüber gesprochen, dass David fornicated. Amen. Dass David Unzucht getrieben hat. On a vraiment parlé du fait que Abraham a menti et David a commis une fornication. And the Lord still accepts. They were still accepted by the Lord. Und sie wurden beim Herrn, sie wurden immer noch vom Herrn akzeptiert. Mais malgré tout, l'Éternel les a toujours acceptés. Amen. That does not mean we should live that life. Das heißt nicht, dass wir so ein Leben führen sollen. Mais ça signifie pas qu'on doit mener une vie pareille. Amen. There's one person that never lived that life. Among them is Joseph. Denn es gibt eine Person, die sie nie geführt hat, zum Beispiel Josef. Par exemple, il y avait une personne qui n'a jamais mené une vie pareille, c'était Joseph. Amen. It is more great and greater to live without ignoring or rejecting Christ. Es ist besser, so zu leben, dass man Christus erst gar nicht ignoriert, gar nicht von ihm abfällt, um wieder zurückzukommen, als andersrum. C'est mieux de vivre une vie en fait sans rejeter ou bien désobéir à l'Éternel, parce que oui, c'est vrai, malgré que tu peux le désobéir, il va toujours t'accepter, mais c'est mieux de ne pas y aller. The Lord wants to trust you. Denn der Herr will dir vertrauen können. Parce que l'Éternel veut te faire confiance. If you're always up and down, how can he trust you? Wenn du immer hoch und tief lebst, wie soll er dir vertrauen können? Si tu as toujours des hauts et des bas dans ta relation avec lui, comment il va te faire confiance? Amen. Amen. God is the God of grace. Gott ist der Gott der Gnade. Oui, c'est vrai, l'Éternel est un Dieu de la grâce. Without his grace, he can do nothing with any man. Ohne seine Gnade kann er mit niemandem arbeiten. Et sans sa grâce, il peut pas travailler avec quelqu'un. Grace does not lead to sin. Aber Gnade führt nicht zur Sünde. Mais la grâce ne nous, en, nous en, emmène pas à commettre des péchés. Amen. Amen. You know this, the Lord churches, amen. Religious churches, what they are afraid, they are so much afraid of grace. Sie haben so viel Angst vor Gnade. Most of them. Donc les églises religieuses, quand ils ont peur, ils ont toujours peur de la grâce. Amen. They don't want to talk anything about grace because they know people. They believe that people will use the opportunity and live their evil life. Sie haben Angst, dass Leute dann die Gelegenheit nutzen und dann eine Lizenz haben, eine Rechtfertigung haben für ihr teuflisches Leben. Parce qu'ils savent que dès qu'ils commencent à prêcher la grâce, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à justifier leurs mauvais actes avec la grâce. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Titus 2. Titus 2. Verse 11 and 12. Titus 2, verset 11 et 12. For the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men, teaching us that denying ungodliness is a teacher. Grace is a teacher. Gnade ist ein Lehrer. Donc la grâce est comme un docteur, un professeur en fait. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Are you getting it? Elle nous indique que praise the Lord. Hallelujah. Grace does not lead to sin. Ignore fit nicht the kind of grace. Mm. La Bible nous dit qu'elle nous éduque à nous amener à nous détourner de la méprise. The kind of grace is his love for you. It's Christ telling you I love you. Mm. And if somebody say I love you, you say I love you in return. Mm. And not doing what he hates. Mm. Because he said, I love you. Seine Gnade, but you know, religion want to turn it. And it is grace is, you are telling the people to not tell Jesus, to not, that it's not, that you are, that the Lord telling them, I love you. Their return is, you are doing what he hates. Mm. And it is true, people do. People hide at the back of grace to commit evil. Mm. Genau, Gnade ist kein Freifahrtsstand, keine Rechtfertigung oder keine Sache, die man nutzt, um dann Leute zu verletzen sozusagen. Weil der Herr hat uns Gnade gezeigt, hat uns Liebe gezeigt, indem er hingekommen ist, uns diese Gnade erwiesen hat, um für uns zu sterben. Aber wenn wir diese Gnade nicht akzeptieren, sondern sie ausnutzen für das Böse, dann spucken wir ihn sozusagen ins Gesicht, anstatt ihm zurückzusagen, wir lieben ihn, indem wir ihm gehorchen, indem wir das tun, was er sagt. Aber die Menschen nutzen die Gnade aus für ihre teuflischen Wege. Le truc avec la grâce est que la grâce ne quand l'Éternel t'a offert de la grâce, ça signifie que ça ne signifie pas que tu dois utiliser cette grâce pour faire des histoires mauvaises, parce que il est venu sur cette terre pour mourir pour toi. C'est en son acte de l'amour, il est venu pour te dire que oui, je t'aime, et toi tu dois aussi lui dire que tu l'aimes au retour quand tu es seulement obéissant à sa parole, quand tu es, oui, tu suis ses commandements, quand tu continues à lui aimer, et pas quand tu es contre. Tu commences à dire que oui, il m'a donné la grâce et c'est pour cela que je veux faire quelque chose de mauvais, et ça justifie tes méprises en fait. Ça, c'est vraiment, c'est pas ce qu'on doit faire, ça c'est vraiment mauvais. Et les gens, malheureusement, les gens dans ce monde le font. Praise the Lord. Hallelujah. Put something here and go to Galatians 5. On va lire Galates 5. Amen. Amen. Galates 5, verset 13. Donc, on ne doit jamais abuser la grâce. On va lire Galates. Il dit, for brethren, you have been called unto liberty. Galates 5, verset 13. Freedom. Gottes Freiheit. Liberty means freedom. Amen. Wir sind zur Freiheit berufen worden. Donc, oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. And he said, now said, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by the love serve one another. Amen. Amen. Don't hide at the back of grace and keep on doing evil. Versteckt euch nicht hinter der Gnade. Freedom is not freedom to not live the life of Satan. nutzt die Gnade nicht aus für euer teufliches Leben. Denn er hat uns frei gemacht für ihn selbst, nicht frei für den Satan. Donc il a dit que seulement ne faites pas de cette liberté une prétexte pour vivre comme les hommes vivent à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns et l'autre. Donc, il vous a donné cette liberté pour vivre en lui et pas cette liberté pour vivre avec le diable ou bien à travers le diable. Praise the Lord. Oh, yeah. Again, Titus 2. Titus 2. On va rentrer à Titus 2. Verset 12. It's teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly. In this present world, right now, jetzt, living for Christ, jetzt sind wir für Christus in Wien. That's grace. Das ist Gnade. Donc, ainsi nous, il veut qu'on puisse vivre maintenant avec l'Éternel et les choisir. Et ça, c'est la grâce. Amen. Amen. Abraham sinned and David sinned. In spite of all their sin, they were still able to be accepted by God. Abraham, David haben. Imagine if they never done that. Haben gesündigt, aber dennoch wurden sie von dem Herrn akzeptiert. Amen. Wie viel mehr hätten sie das alles nicht getan, hätten ihm einfach gefolgt. Es wäre viel besser gewesen für sie selbst. Imagine, Abraham et David, ils ont commis, ils ont péché, mais l'Éternel les a toujours acceptés. Imagine. Si ils n'ont pas été capables de pécher, ils étaient restés juste comme avant, avec focalisés en Christ. Comment leur vie allait être? Amen. Amen. How much more Christ would have accepted them? Amen. He accepted them. He still accepted. They were still accepted. Mm-hmm. How much more? Just like you know, Romans 5, mm-hmm. verse 8-10 talks about our salvation. Mm-hmm. Let's go to Romans 5. Donc, à combien plus forte raison l'Éternel allait les accepter encore sans avoir commis ses péchés. Praise on va lire Lord. Romans 5. Romans 5. Amen. Amen. Romans 5, from 8 to 10. Romans 5, 8 bis 10. Romans 5, 8, 8 à 10. He said, for God commended his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Christ ist für uns gestorben. Donc l'Éternel est mort pour nous, malgré on était encore des pécheurs. You know, if you can die for your enemies, wenn du für deine Feinde sterben kannst, what can you do for your son? Was tust du für deine Söhne? Si tu es capable à mourir pour tes ennemis, qu'est-ce que tu ne vas pas faire pour ton fils? He said in verse 9, much more than being now justified by his love. We shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life.